Section 17. Chapitre 17. Les deux jours que Narbanton devait passer à la crique se changèrent en une semaine, puis en une quinzaine. Chaque soir, en rentrant d'une excursion, on avait des raisons décisives pour en entreprendre une nouvelle le lendemain. Les buts de promenade sont en effet nombreux dans cette partie de la Bretagne. Carnac et ses monuments druidiques, la butte de Tumiac, les îlots du Morbihan, Ars, l'île aux moines, Gavrinis et son dolmen, les grottes creusées par l'effort de la mer dans les falaises de la presqu'île de Ruiz, la rivière d'Auray. Après la tempête qui avait soufflé au commencement du mois, le temps s'était fixé au beau avec cette douceur et cette sérénité qu'on ne rencontre sur ces rivages qu'à l'automne, la vraie saison de ce pays. Chaque jour, on pouvait se mettre en route avec pleine sécurité, sans craindre le vent ou la pluie. Et ce n'était plus un étonnement pour les curieux de Port-Navalo de voir manœuvrer le bourguignon qui maintenant appareillait chaque matin pour venir devant la crique chercher ses passagers. En attendant qu'ils fussent prêts, ils croisaient au large et couraient déborder. Quand le pilote apercevait le signal convenu, il se rapprochait de terre et une petite barque transportait tout le monde sur le yacht que son tirant d'eau retenait forcément une certaine distance du rivage. Fellow suivait la barque à la nage, mais en approchant du bourguignon, il prenait les devants et au moyen d'une petite échelle plongée dans la mer, il grimpait le premier à bord. En chien bien élevé qu'il était, il courait aussitôt à l'avant pour se secouer sans inonder les tapis étendus à l'arrière. Puis il revenait saluer son maître de ses aboiements joyeux quand celui-ci arrivait sur le pont. Le pilote donnait un coup de barre, le bourguignon, présentant ses voiles au vent, s'inclinait doucement sur le côté, on entendait la mer clapoter contre la carène, peu à peu le rivage qu'on venait de quitter s'abaissait dans le lointain, les lignes se brouillaient, et bientôt la maison seule apparaissait distincte, formant une tache blanche au milieu de la verdure bleuâtre. Bien que cette intimité journalière offrît aux deux camarades des occasions sans cesse renaissantes pour reprendre leur entretien au point où il avait été interrompu, ni l'un ni l'autre ne semblait disposé à revenir à ce qui s'était dit entre eux. Georges persistait-il dans son projet de mariage ou bien l'abandonnait-il? Narbanton trouvait-il Charlotte vraiment adorable ou bien ce mot, dit dans la vivacité de la conversation, était-il un propos en l'air? C'était à croire que ces deux questions étaient pour eux sans importance et qu'ils avaient oublié qu'elles restaient posées. Cependant, à regarder les choses d'un peu près, il devenait bientôt visible que cette indifférence n'était qu'apparente, que tous deux, au contraire, loin d'avoir oublié ces questions, les avaient sans cesse présentes à l'esprit, et que s'ils ne disaient rien pour les trancher, c'était parce que ni l'un ni l'autre ne voulaient faire le premier pas. Sans vouloir le laisser paraître, ils s'étudiaient tous deux, avec une attention continuellement tendue. Si pendant une promenade en mer, Charlotte engageait un entretien avec Narbanton, Georges ne se mêlait point à leur conversation. Il affectait même de se tenir à l'écart, soit en s'étendant sur le pont pour dormir et échapper ainsi au mal de mer, soit en faisant causer le pilote. Mais en réalité, il ne dormait pas plus qu'il n'écoutait le pilote. Ses oreilles étaient à ce que disaient Charlotte et Emmanuel, de même que ses yeux, lorsqu'il les tenait mi-clos, étaient ouverts pour voir leur attitude pendant cet entretien et saisir sur leur visage ou dans un regard les mouvements vrais qui les agitaient. Narbanton, de son côté, ne montrait pas plus de franchise que Georges, et il n'était pas moins que lui appliqué dans son observation. Un signe, un indice quelconque, ne viendrait-il donc jamais lui apprendre quels étaient leurs sentiments? Georges n'aimait pas sa cousine, il l'avait dit au moins, et tout se réunissait pour faire croire qu'il avait parlé sincèrement. Mais Charlotte n'aimait-elle pas son cousin? Dans les soins qu'elle avait pour lui, dans la tendresse affectueuse qu'elle lui témoignait, n'y avait-il qu'une amitié fraternelle qui expliquait tout naturellement leur parenté, ou bien n'y avait-il pas au contraire de l'amour? Pendant qu'ils demeuraient ainsi en face l'un de l'autre, en arrêt pour ainsi dire, il arrivait ce qui se produit ordinairement dans ces sortes de circonstances. En voulant deviner ce qui se passait dans Emmanuel, Georges laissait voir sa préoccupation. Et Emmanuel, en voulant surprendre ce qui se passait dans Georges, et surtout dans Charlotte, se livrait lui-même. Moins habile que Georges à parler tous les langages, n'ayant point comme celui-ci des phrases toutes faites à propos du premier sujet venu, ne sachant pas feindre, d'ailleurs maladroit à dissimuler ses émotions, il se trahissait à chaque instant par la voix, par le geste, par le regard, même par le silence. Mais ce qui mieux que tout révélait le véritable état de son cœur, c'étaient les changements qui, du jour au lendemain, s'étaient faits dans ses idées, ses sentiments et ses opinions. Dans une fréquentation intime de plusieurs années, Georges avait été à même de connaître à fond son ami. Ce n'était donc pas sans une certaine surprise qu'il le voyait maintenant donner des démentis à tout propos et à chaque instant à ses anciennes croyances. Et cela se faisait de la meilleure foi du monde, non par hypocrisie, non pas même pour plaire à Charlotte, mais simplement parce que Charlotte lui plaisait et parce qu'il était irrésistiblement amené à aimer lui-même ce qu'elle aimait. En agissant ainsi, Emmanuel obéissait à cette persuasion naturelle, à cette séduction inconsciente de l'amour qui fait que quand nous sommes profondément épris, nous ne voyons plus que par les yeux de celle que nous aimons et que nous ne parlons plus que par sa bouche. Nous sommes elle-même, c'est son sang qui coule dans nos veines, c'est son cœur qui bat dans notre poitrine. Sourit-elle, nous rions, s'attriste-t-elle, nous pleurons. Ce qu'elle veut, ce qu'elle pense et ce qu'elle sent, nous le voulons, nous le pensons et nous le sentons comme elle. Pour des yeux clairvoyants, et ceux de Georges l'étaient, il y avait là un aveu précis qui valait toutes les confidences du monde. Emmanuel aimait Charlotte. Les choses traînèrent ainsi pendant une quinzaine, mais enfin elles en vinrent à ce point qu'il fallut se décider à une explication. Naturellement, ce fut Narbanton qui la provoqua. Le plus souvent, il ne couchait pas à la crique, et après avoir ramené ses amis chez eux, il restait sur le Bourguignon, ou bien, si on le gardait à dîner, il retournait le soir à Port-Navalot. Il avait besoin de marcher, disait-il, ayant pris l'habitude de l'exercice dans ses voyages. Et quand il ne faisait pas une longue course à pied, il se plaignait de maux de tête et d'étourdissements. Un soir que Georges, après l'avoir conduit jusqu'à la barrière du jardin, allait le quitter, il le pria de l'accompagner plus loin. La soirée était d'une sérénité faite à souhait pour la promenade. Au milieu d'un ciel sans nuages, la lune, dans son plein, laissait tomber une clarté vaporeuse que reflétait la mer tranquille comme un lac. Dans le silence, on n'entendait que le bruit monotone et régulier de la vague qui, à marée basse, venait mourir sur la grève sablonneuse. Pas un souffle de vent, pas un frémissement de feuilles. Au loin seulement, dans l'horizon profond, la lumière intermittente d'un phare qui jetait son éclat et brusquement s'éteignait, partout le sommeil poétique d'une belle nuit d'automne. Si un paysan était à cette heure sorti de chez lui, il n'eût pas sans doute été bien loin, car assurément, au détour d'un chemin ou derrière un buisson, il eût vu se dresser l'Ancou, le spectre effrayant de ses rivages, qui n'apparaît que pour annoncer un naufrage et des morts. Pendant quelques minutes, Georges et Emmanuel marchèrent côte à côte sans échanger une parole. Mais enfin celui-ci rompit le silence. « Ce n'est pas seulement pour avoir le plaisir de cheminer avec toi par cette belle nuit au bord de la mer, dit-il d'une voix vibrante, que je t'ai prié de m'accompagner. J'ai à te parler. » « Je m'en doute. » « Alors tu te doutes aussi, n'est-ce pas, que je veux reprendre la conversation que nous avions dans ce chemin il y a 15 jours, au point même où elle a été interrompue. C'est une question que maintenant je voudrais te poser. » « Je t'écoute, prêt à te répondre avec une entière sincérité. À quoi es-tu décidé pour ton mariage ?»« À rien. J'étais hésitant. Il y a 15 jours, je le suis plus encore aujourd'hui. » « Il y a 15 jours, cependant, tu paraissais vouloir t'arrêter à une résolution. » « Je le veux encore, mais cette résolution aujourd'hui ne dépend plus de moi seule. Et voilà pourquoi, mon cher ami, je n'ai pas pu la prendre. » Georges prononça ces trois mots, « mon cher ami », d'une telle façon qu'Emmanuel en fut troublé. « Que veux-tu dire ? » demanda-t-il. « Je pourrais te répliquer que c'est à moi de t'interroger et à toi de répondre. Mais entre deux amis tels que nous, ce n'est point ainsi qu'on doit procéder, et j'aime mieux aller au-devant de tes explications. Si je n'ai pas décidé mon mariage, c'est que depuis 15 jours, l'esprit éveillé par quelques paroles qui t'ont échappé, je t'ai beaucoup observé. Et j'ai cru remarquer que tu éprouvais pour Charlotte un sentiment autre que l'amitié. Dans ces conditions, m'était-il possible de faire valoir un engagement antérieur et de la demander pour femme, alors que peut-être tu l'aimais toi-même ? J'ai donc attendu, certain qu'un jour ou l'autre, tu viendrais à moi loyalement pour avoir une explication décisive. Voici cette explication provoquée par toi. Poussons-la donc jusqu'au bout. Aimes-tu ou n'aimes-tu pas Charlotte ? Toute la question est là. Mais avant que tu me répondes, je veux, afin de ne pas faire peser sur cette réponse le poids de l'amitié, que tu connaisses mes intentions. Si tu n'aimes pas Charlotte, je ne sais pas encore ce que je ferai et si je l'épouserai ou ne l'épouserai pas. Au contraire, si tu l'aimes assurément, je ne demanderai pas à mon oncle l'exécution de notre engagement. Je ne l'épouserai pas. « Georges, mon ami !» s'écria Narbanton. Et s'arrêtant, il prit les deux mains de son camarade et les lui serra longuement. Dans la nuit, on voyait ses yeux mouillés lancer des éclairs. « Si j'avais éprouvé pour Charlotte une violente passion, continua Georges, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Peut-être je te l'aurais disputée. Tu n'aurais pas eu à me la disputer, car si à la demande que je viens de t'adresser, tu m'avais répondu que tu voulais épouser Charlotte, demain, je n'aurais plus été en Bretagne. On embarque en ce moment pour 8 jours de vivre à bord du Bourguignon. Et cette nuit, à la pleine mer, je partais pour l'Angleterre. Tu ne m'aurais revu que quand tu aurais été le mari de Charlotte, et quand j'aurais été guéri de mon amour. Le mari de Charlotte, ce sera toi si tu la veux pour femme. Si je la veux, demain je parlerai à mon oncle. Quand je me serai dégagé, tu pourras lui parler à ton tour. Je te demande seulement d'attendre que je sois rentré à Paris. Tu veux partir ? Après les engagements qui ont existé entre Charlotte et moi, est-il convenable que je sois là, quand elle va en contracter d'autres ? Je vous gênerai tous deux, et moi-même, je ne serai pas à mon aise. Laisse-moi donc partir. Notre séparation, d'ailleurs, ne sera pas bien longue. Nous nous reverrons bientôt, quand tu seras marié, quand tu seras mon cousin. Non, pas ton cousin, Georges. Ton ami, ton frère. Fin de la section 17.